طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نحن ما زلنا في هذه المقدمة العظيمة التي ألقاها الشيخ الفاضل الشيخ سعيد بن دعاس في دار الحديد دمان عليه رحمة الله رحمة واسعة. Donc on est toujours dans cette très belle introduction qu'a fait notre noble cheikh Saïd ibn Da'as concernant le livre de Cheikh Ibn Taymiyyah, Qawa'id al-Muthla. بعد أن ذكر شرف هذا العلم وأنه من أفضل العلوم على الإطلاق et donc après avoir évoqué le prestige de cette science, la science de la aqida, la science de la croyance ainsi que les connaissances au sujet des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal, après avoir évoqué le grand prestige de cette science, Zakara, ma yajibu ala l'insan, ta'allumu. Il a évoqué ce qui est obligatoire à l'individu, au musulman, de connaître. وذكر أن مما يجب على الإنسان تعلمه كل ما يتعلق بقيام أوامر الله عز وجل. إلى يبكي que les choses qu'il incombe à tout un musulman de connaître sont les connaissances qui vont lui permettre d'adorer Allah Azza wa Jal et d'accomplir les obligations d'Allah Azza wa Jal. ثم ذكر ما يتعلق بفروض الكفايات. Ensuite, il a évoqué les différents ou il a évoqué les choses qui sont obligatoires d'apprendre, non pas à tout à chacun, mais à un groupe de la communauté. Et ce groupe n'est autre que les étudiants en sciences. Quelles sont les connaissances à connaître pour ce groupe-là? Ah, Ismail. De manière générale. Hein. Il y a une liberté ça. Je pense qu'ils ne vont pas tous les jours de mettre un truc. Il convient à l'étudiant en sciences de connaître et de rechercher la science sur tous les points qui n'incombent pas, dont la connaissance n'incombe pas à tout un chacun parmi les musulmans. Et en fait, c'est le muqaddima qui est azima. La muqaddima de Cheikh Saïd, c'est une muqaddima qui est azima, parce que avant qu'on rentre dans le livre, il te fait comprendre des usul, il te fait comprendre des fondements. Et il te donne une éducation avant même que tu rentres dans le livre. C'est-à-dire, tout ce qu'il nous évoque là, c'est pour nous préparer à tendre l'oreille, à bien comprendre ce qui est les points qui vont être dits. Et les différentes masa'el qui vont être évoquées. Non. Ensuite, après avoir évoqué ce point-là, Mada, il a évoqué une partie, c'est-à-dire, il a évoqué qu'il fait partie des signes du bien. Le fait d'apprendre sa religion. et fait partie des signes du mal, ou qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas du bien pour l'individu, lorsqu'il le prive du savoir. Lorsqu'il le prive du savoir. ثم قال عليه رحمة الله والشر والفساد الأعظم يكون في حق من جعل نفسه ونزل نفسه منزلة المبلغ عن الله عز وجل وعن الرسول وعن الرسول عليه الصلاة والسلام ببيان أحكام شريعة عبادة وعبادة ومعاملات وأخلاق وعقيدة وتوحيد. Là, il va évoquer un point très très important. Donc, il dit et le mal, ou le plus grand mal et la plus grande perversion qu'il existe dans le chapitre de la science, se concentre dans un individu qui a considéré sa personne au même niveau que Mana. Que celui qui fait descendre les règles religieuses. C'est qui fait descendre les règles religieuses? Allah Azza wa Jalla. Donc là, Cheikh Saïd, il t'explique que le plus grand mal et la plus grande perversion en ce qui concerne l'ilm, ce n'est autre qu'une personne qui considère son propre être comme étant celui qui légifère. Comme étant celui qui légifère ou celui qui transmet la religion d'Allah Azza wa Jal. Ça va ? Celui qui transmet la religion d'Allah sans science. Sans science. Ça va ? Ça va arriver. Celui qui transmet la religion d'Allah ou il transmet de la part du prophète alayhi salatu wasalam. Il se considère comme un transmetteur. Soit il se considère comme un législateur, soit il se considère comme un transmetteur de la part d'Allah Azza wa Jal, un messager de la part d'Allah, ou soit comme un transmetteur de la part du prophète alayhi salatu wa salam. Tamam. Tayyib. Ensuite il dit, c'est-à-dire lorsqu'il explique les règles de la religion, que ce soit dans l'adoration, que ce soit dans... le relationnel, que ce soit au sujet du comportement, de la croyance ou du tawhid. ثم يكون إقدامه وخوضه في ذلك المجال عن غير علم. Donc lui, il se prend pour il transmet de la part d'Allah ou il transmet de la part du prophète alayhi salatu wasalam. Cependant, il plonge dans cette science qu'il transmet sans la moindre connaissance. Ça, c'est le pire pour un talib al-ilm. Le fait d'aller prêcher et d'aller appeler à une voix sans même la connaître. Sans même la connaître. Tamam. Qala wa yakun thumma yakunu iqdamuhu wa khawduhu fi dhalika al-majal 'an ghayri 'ilmin wa 'an ghayri thabt la yakunu dhabitan lima yaqul wa lima yuballigh aw lima yuqarrir aw lima yuharrir. Et donc, cet individu, il n'est ni sur une science ferme, ni il a voilà, il ne maîtrise pas ce qu'il dit, les choses dont il va parler, il n'a aucune maîtrise sur ces choses-là, ou les choses dont il prétend transmettre. Il n'a aucune science, aucune maîtrise sur cela, et il n'a aucune maîtrise sur les avis qu'il choisit. Les avis qu'il choisit ou ceux qu'il tranche. Comme vous savez, par exemple dans le fiqh, il y a combien d'avis sur une masala wahida? Et lui, lorsqu'il va choisir un avis, tu sens qu'il choisit cet avis-là, non pas sur des bases, non pas sur une science, mais يعني بغير علم. قالوا فقلت. Ils ont dit, alors j'ai dit. تمام. وإنما يدخل في ذلك على غير بصيرة وعلى غير تثبت فيحصل الخطل ويحصل الزلل والبعد عن الحق وربما تمادى الأمر بصاحبه إلى أن يصل إلى مفاوز سحيقة من الباطل والعياذ بالله وهذا كله عندما يخوض الإنسان فيما لا يعلم. Ensuite, Cheikh Saïd, il dit, donc la personne dont tel est le cas, celle qui parle au sujet de la religion sans la moindre science ou sans la moindre maîtrise de ce qu'il dit, le voilà qu'il sera sujet à bon nombre d'erreurs et qu'au fur et à mesure il s'écartera de la voie juste et de la voie de la vérité. Et il se peut que cela l'emporte à être plongé dans les profondeurs de l'égarement. Et qu'Allah nous en préserve. Tout ça pourquoi ? Parce qu'il est rentré dans un chapitre sans avoir la moindre science. Donc là, Cheikh Saïd, il nous fait comprendre que les cours qui vont suivre, il faut bien comprendre que ce livre-là, ce sont des bases, des fondements qui vont vous servir dans toute votre vie, en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah Azzawajal. Ça veut dire que si tu les as bien compris, si tu les as bien assimilés, tu pourras, de surcroît, déjà, toi-même, dissiper la part d'ignorance que tu as sur ce sujet, mais tu pourras, de surcroît, dissiper la part d'ignorance qu'ont les gens. Mais iyaka wa iyaka an tudarris ikhwanak min al-kutub. Tudarris ikhwanak min al-kutub. Bidun an yasbaq jalisun inda ahli al-ilm. Mais prends garde au talib al-ilm de ne pas donner des cours de livres que tu ne maîtrises pas. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas précédé cela par une assise avec les gens de science. Non. طيب ثم قال فيا طالب العلم وهذه نصيحة جميعنا بحاجة ماسة إليها لا تظن أن مجرد نثر الكلام وطرحه على من يسمع أن مجرد نثره وطرحه يكفي أن يكون شرفا لك. Et donc la Cheikh dit, « Oh Talib al-Ilm, ceci est un conseil pour tout le monde. » Le Cheikh al-Sa'id, quand il dit ça, il parle à toute l'assise du moment, lorsqu'il donnait ce cours. Il dit, « Ceci est un conseil pour tout le monde. » Tout le monde, on est tous dans un besoin d'assimiler ce genre de directive. Il dit, « Ne pense pas que le fait de répéter des paroles, c'est-à-dire tu lis la parole de Fulham dans un livre et tu la répètes comme ça, naître un kalam, ou de propager ou de déposer une parole quelconque parmi les paroles des gens de science, ne pense pas que juste cela te suffit pour être un signe de vertu et d'honorabilité. Ne pense pas que juste cela te suffit pour être un signe de vertu et d'honorabilité. ولا بد أن تعلم أنك بقدر ما تضل بقدر ما تضل أو تفسد أو تقول غير الحق أنك تحمل من أوزار من أخذ عنك هذا الأمر ومن تبعهم إلى يوم الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Cependant sache, ô طالب العلم, que chaque personne que tu vas égarer par ton manque de science, chaque personne que tu vas égarer par ton manque de science, alors en vérité, tu retrouveras que cette personne-là sera un fardeau pour toi, Yawm al-Qiyam, comme cela a été évoqué dans des hadiths prophétiques. Donc là, Cheikh Saïd, c'est vraiment un très très bel usloub qu'il prend avec le talib al-ilm. D'abord, il lui fait comprendre l'importance du ilm, l'importance de cette science qui va arriver. Et ensuite, il lui fait comprendre que là, on rentre dans un majal qui est très dangereux. On rentre dans une position, dans une affaire qui est très dangereuse pour celui qui ne la maîtrise pas. Et en fait, là, c'est comme s'il veut te dire, Là, tu es dans un dars, ifhamu fahman sahiha. Là, tu es dans un cours, essaye de le comprendre de la meilleure des manières. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, celle, demande. Mais ne pars pas sans avoir obtenu, ou ne sors pas de ce cours sans avoir obtenu une compréhension quasi parfaite. فهمتم؟ نعم. ثم قال ولهذا كان تبليغ أحكام الشريعة وبيانها وتحقيقها وتحريرها هذا من من التوقيع عن رب العالمين سبحانه وتعالى. Et ça c'est un très très grand point qu'il faut comprendre, c'est que lorsque la personne elle prêche ou elle donne cours ou elle évoque un avis religieux, elle dit voilà, je suis cet avis-là parce que les preuves indiquent ceci, cela. Tamam ? Ou lorsqu'il enseigne ou quoi ? En vérité, ce qu'il dit, ce qu'il presse, ce à quoi il appelle, c'est comme si c'était un tampon. C'est comme s'il tamponnait cela de la part de qui ? De la part d'Allah. C'est comme si, là, il disait que ses paroles, ou ce à quoi il appelle, tout ce qu'il prêche, c'est validé de la part de qui ? La part d'Allah Azza wa Jalla. Donc ça, c'est déjà dire, il faut comprendre ce point-là, car c'est pourquoi les ulama ou ahl al-ilm, lorsqu'on leur pose une question, tara fihim al-khushu', tara fihim adam al-istijjal. Tu vois que les gens de science, les ulama surtout, lorsqu'on leur pose une question quelconque dans la religion, tu vois qu'ils ne se précipitent pas. Tu sens sur leur visage la crainte. Pourquoi ? Parce qu'ils vont répondre d'une réponse qui va être affiliée à Allah Azza wa Jalla. Yani hada huwa al-haq. Tamam ? Donc dans ce chapitre-là, on n'a pas le droit à l'erreur volontaire. On peut faire des erreurs qui sont involontaires, mais l'erreur volontaire, on n'a pas le droit. Ça veut dire ne parle pas dans ce sujet-là sans science. La ta'alam, t'akoul Allahu a'alam. Tu ne sais pas, dis Allahu a'alam. Mais ne t'avance pas à dire parmi les noms d'Allah il y a ceci, cela alors que tu ne sais pas. Ou parmi les noms, il n'y a pas parmi les noms d'Allah ceci, cela alors que tu ne sais pas. Wa ma darast. Fahimtum? Tayyib, qala wa ma hunaka a'zamu firya wa la a'zamu jinaya wa la a'zamu jur'atan 'ala Allah 'azza wa jalla wa 'ala dinihi mimman yunsibu aw yudif. Et il n'y a pas un crime, il n'y a pas une abjection aussi plus grande ou plus odieuse que celui qui affilie à la religion d'Allah Azza wa Jal ce qui n'en fait pas partie. Wa laysa mimma ja'a bihi, yani ولا اعظم جنايه ولا اعظم جرأه على الله وعلى دينه ممن ينسب ينسب أو يضيف إلى دين الله ما ليس منه وليس مما جاء به الله مما جاء به الله أو جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فلا تجعل الميزان ولا تتعلق الشرف ولا تعلق الشرف أو الأمر بمجرد أن تلقى أو تنثر من الكلام ولو كان على غير ضبط وغير دراسة شرعية صحيحة. Donc il dit, ne fais pas de ton but le simple fait de propager les paroles des savants. Le simple fait de lire un livre et de rapporter la parole telle qu'elle est. Ne fais pas de cela un simple but pour dire voilà, Oudaris, voilà, Kada. Sans même que toi, tu aies la maîtrise de la science à laquelle tu appelles. La Buddha min Bapt. On se doit de maîtriser ce qu'on dit avant de parler. Non. ولا تعلق الشرف ولا تعلق ولا تعلق الشرف أو الأمر بمجرد أن تلقى أو تنثر من الكلام ولو كان على غير ضبط وغير دراسة شرعية صحيحة فإن هذا يزيدك سقوطا ويزيدك تعرضا للخطر Parce qu'en fait, si toi, ton seul but, c'est de... si ton seul but, c'est cela, alors ça ne va te rajouter que des glissades, que des erreurs. Que des erreurs dans ton cheminement. Et cela te poussera à être sujet à énormément d'égarements. ويلحقك من ذل الباطل الذي قررته للناس ما ينالك منه أو قريبا منه أو أكثر منه يوم لقاء الله سبحانه وتعالى بحسب ما يعلمه الله أو يقدره أو يحكم به. Et sache que te rattrapera l'ignominie ainsi que l'humiliation du faux et de toutes les faussetés que tu as ou auxquelles tu as appelé ou que tu as reconnu comme étant vérité auprès de gens. Cela, yani cette ignominie, elle te rattrapera, yani, et ceci en fonction de l'égarement que tu auras propagé. Le jour de la rencontre d'Allah Azza wa Jal. Le jour de la rencontre d'Allah Azza wa Jal. C'est une kalam jamil de Cheikh qui te montre combien les ulama ils attachent une importance à la muraqaba, muraqabatullah, fima naqul, wa fima na'taqid, wa fima naf'al, wa fima naram. Le fait d'avoir en conscience ou en esprit la présence d'Allah Azza wa Jal. Le fait de savoir que Allah subhanahu wa ta'ala te voit dans ce que tu dis. Il sait que ce dont toi tu parles, tu en parles avec science ou avec ignorance. Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Le fait d'avoir en esprit qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait notre fort intérieur. Il nous voit, il voit nos comportements, il voit tout ce qui dégage de notre personne. Donc ça c'est le comportement du ulama. Et c'est pourquoi il nous appelle à ne pas oublier la présence d'Allah Azza wa Jal, surtout dans ce chapitre, le chapitre de l'apprentissage et ensuite de l'enseignement. Parce que là, pourquoi il s'efforce de nous parler de ça? Parce qu'il est devant des tulab al-ilm. Il est devant des étudiants en sciences. Et chaque étudiant en sciences, il doit avoir pour but premier d'enlever son ignorance et ensuite de l'enlever aux autres. Donc, il est obligé de marquer l'intention et de marquer l'attention des tulab al-ilm sur ce sujet qui est très très important et très très sensible. فينبغي لطالب العلم أن يجعل همه إصابة الحق. وهذا هو الحق بعينه. Il convient au talib al-ilm, lorsqu'il recherche la science, d'avoir pour unique but d'atteindre la vérité, d'atteindre la vie juste. Ça, c'est le véritable. Lui, c'est dans son but, c'est pas de dire qu'il est alim, c'est pas de donner des cours. C'est pas, non. Son but, lui, c'est d'atteindre la vérité. Et si ça doit l'amener à propager, ça l'amènera à propager. Mais le but, c'est d'atteindre la vérité pour atteindre avec cette vérité-là. La pratique est de se croire à l'agrément d'Allah Azza wa Jal. L'agrément d'Allah Azza wa Jal. قال فينبغي لطالب العلم أن يجعل همه إصابة الحق وكما يقال علم قليل مع الصواب فيه بركة وفي نفع أكثر من علم كثير يكثر أو يكثر تخليط صاحبه. Et comme il est dit, un peu de science, une petite science dans le cœur d'une personne, peu de science dans le cœur d'une personne, en étant dans la vérité, c'est meilleur que beaucoup de science dans le cœur d'une personne qui suit ses passions et la voie de l'égarement. Donc le fait de se limiter à ce qu'on connaît et ce qu'on maîtrise, c'est un as le fait talab al-ilm. Comme on a vu la parole, hasb bil-mar an yaqif haythu 'alim. C'est un asl. C'est une des bases du talib al-ilm qu'il ne dépasse pas ce qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire, il ne part pas sur ce dont il n'a aucune connaissance. قال وكما يقال علم قليل مع الصواب فيه بركة وفيه نفع أكثر من علم كثير تكثر أو تكثر تخليط صاحبه تخليط صاحبه أو من عدم إصابته أو من عدم إصابته للحق أو من إلقائه الباطل أو تقريره لعقيدة فاسدة فإن الإنسان يحمل وبال يحمل وبالا ويحمل وزر ويحمل وزر من أضل إلى يوم القيامة أو إلى يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. Il faut vraiment retenir que l'être humain, il portera le fardeau, il portera les fardeaux et les poids, le poids de toute personne qui l'aura égaré de la voie d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il le rencontrera. فالواجب على طالب العلم أن يكون في غاية التحري وفي غاية التثبت الشرعي فيما يقوله وفيما يقرره وفيما يعلمه من مسائل الاعتقاد ومن مسائل التوحيد والدين فإن هذا توقيع رب العالمين من جانب ومن جانب آخر قد يتعرض له الإنسان لحمل أوزار من يضل ويفسد من الناس في عقائدهم وفي دينهم بسبب الباطل الذي يقوله. Donc il est obligatoire à l'étudiant en sciences d'être dans une vigilance la plus totale dans ce qu'il apprend et dans ce qu'il enseigne aux gens, et il se doit d'être malin sur un tathabbut, une affirmation des avis ou des jugements qu'il suit et auxquels il appelle. Il doit être sûr de ce qu'il dit, que ce soit dans ce qu'il dit ou que ce soit dans ce qu'il choisit comme avis juridique ou dans ce qu'il enseigne comme point concernant la croyance ou le tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal, ou la religion d'une manière générale. Car en vérité, ceci est considéré comme une approbation qui vient d'Allah Azza wa Jal. Donc il ne faut pas dire d'Allah ce que lui-même n'a pas dit. Non. طيب ثم قال كما أن هذا الأمر نوع من الافتئات على الشريعة لأن من نسب إلى الشريعة وإلى دين الله وإلى السلف ما ليس من مذهبهم وما ليس من دينهم فقد افتأت عليهم وقد نسب إليهم ما ليس من دينهم وهذا هو سبيل الابتداع وسبيل الانحراف والضلال على العقيدة الصحيحة السلفية. Et donc la chère, il te dit, et aussi parce que le fait de parler sans science, c'est ça sous-entend ou ça amène à dire des mensonges sur la législation. Donc le fait d'affilier à la législation d'Allah Azza wa Jal ce qui n'est pas, ça sous-entend le fait de mentir sur cette religion, sur cette législation, ou sur les pieux prédécesseurs. Et ceci, en vérité, constitue le chemin de l'innovation. Ça, c'est par ce chemin-là que les gens sortent de la voie de la sunna, de la voie de la tradition du prophète, ou qui mène à la tradition du prophète, pour l'égarement des innovations dont le prophète alayhi salatu wasalam a vivement mis en garde. وبيان شدة الانحراف قال وبيان شدة الانحراف في مثل هذا الأمر أن من قرر من الدين ما ليس منه أو أضاف من العقيدة إلى السلف أو إلى الله أو رسول ورسوله صلى الله عليه وسلم وليس هو منها فقد افتأت على الله سبحانه وتعالى وعلى شريعته وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. Et ce qui montre que ceci est un chemin d'égarement et que celui qui a filié à Allah عز وجل une parole qu'il n'a pas dit ou à son prophète une chose qu'il n'a pas dit, il est considéré comme avoir menti sur Allah عز وجل. C'est dire comme ce chemin est très dangereux. Est très dangereux pour celui qui l'emprunte. عياذا بالله. طيب لأنه نزل نفسه منزلة المشرع من دون الله سبحانه وتعالى. Pourquoi on dit cela? Parce que c'est comme s'il a considéré sa propre personne comme si c'était lui le législateur. Donc il légifère des choses qu'Allah n'a pas légiféré. C'est comme si lui-même il s'est mis à la place d'Allah Azza wa Jalla et il légifère des choses qu'Allah n'a pas légiféré. Sha'am aba arafa am جاهل عرفه من عرفه عرفه أو جاهله من جاهل. Et ça, qu'il le sache ou non, l'innovateur, quand il innove une quelconque innovation, c'est comme si il se mettait à la place du législateur. Qu'il le sache ou non. طيب. وهذا من جانب ومن جانب آخر جعل نفسه مدركا لمصالح العباد في دينهم ودنياهم ما لم يعلمه الله سبحانه وتعالى ولم يعلمه رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc ça c'est d'un point de vue. D'un autre point de vue, le danger de ce chemin, c'est qu'en vérité lui quand il légifère cette chose-là, c'est qu'il a pensé qu'il y avait un intérêt dans cela pour les serviteurs. Un intérêt que lui connaît et qu'Allah ignore. Ou que lui connaît et que le prophète alayhi salatu wasalam ignore. Car il n'y a pas un bien sur terre, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'ait montré et nous y ait appelé. Pareil pour son messager. Donc le fait de dire qu'il y a une chose, il y a un intérêt dans une quelconque adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas légiféré, c'est comme si tu disais qu'il y a un intérêt qu'Allah ne connaît pas. Ou que son messager ne connaît pas. Ça, là, vous comprenez pourquoi on disait que le Cheikh Saïd, c'était le Cheikh d'Andalmaj qui, au sujet de l'innovation, au sujet des réfutations aux innovateurs, c'était lui le plus éminent. Des machères, des dommages. Parce que ce genre de paroles-là, tu les trouves dans les livres des vieux prédécesseurs. C'est pourquoi Sadaqa Sheikh Yahya al-Mattal, Kitabatu Alim. Les écrits de Sheikh Yahya, les écrits de Sheikh Saïd, sont bel et bien des écrits de savants. طيب ومن هذا الجانب وغير هذا الجانب صار الابتداع أشد من المعصية كما ذكر هذا الإمام الشاطبي. Et c'est à cause de ces points de vue là que les savants ont dit que l'innovation est le pire des grands péchés après en dessous du shirk. L'innovation est le pire des grands péchés en dehors du shirk. Qui peut nous rappeler les deux points pour lesquels l'innovation est considérée comme le pire des péchés en dehors du chef? Ah, vous savez. Pourquoi déjà? Parce que c'est comme s'il avait descendu sa propre personne ou il avait monté sa propre personne au niveau du législateur. Tamam. Au Sani. يجعل نفسه مدركا لمصالح العباد دون الله عز وجل. Pourquoi? Parce que aussi, il pense qu'il connaît ce qui est utile aux serviteurs, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le sait pas. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le sait pas. قال وهذا المعنى لو التزمه صاحب البدعة وهو أنه أدرك ما لم يعلمه الله وما لم يعلمه رسوله صلى الله عليه وسلم كان هذا ماذا؟ Et ce le fait de c'est-à-dire par exemple on dit à l'innovateur, on lui dit là si tu nous dis que cette innovation, peu importe, on va dire, on va prendre le fait de fêter l'anniversaire du prophète alayhi salatu wasalam, c'est une innovation. Le fait de fêter cet anniversaire-là, on va dire à l'innovateur qu'il pratique cela, on lui dit, là, tu n'as aucune preuve, ni du Coran, ni de la Sunna. Donc c'est comme si toi, tu légifères une chose, comme si c'était toi le législateur. Si lui, il reconnaît ce à quoi ça implique. Il y en a ceux que son frère ou sa croyance implique. Si lui, il le reconnaît, quel jugement il aura après? Hein? Al-Kouf, il sort de l'islam. S'il dit oui, na'am, je légiférerai quelque chose en dehors d'Allah, enfin, c'est du Kouf. Et s'il reconnaît que là, il pense qu'il y a une utilité qu'Allah ne connaît pas, ou que son messager ne connaît pas. ماذا؟ كذلك هذا كفر تمام؟ لكن جل أهل البدع لا يلتزمون بها mais la plupart des innovateurs ils ne vont pas jusqu'à dire cela ou à reconnaître cela تمام؟ نعم لهذا قال الشيخ سعيد وهذا المعنى لو التزمه صاحب البدعة وهو أنه أدرك ما لم يعلمه الله وما لم يعلمه رسوله صلى الله عليه وسلم كان هذا كفرا كما ذكره الإمام الشاطبي وقال وإن لم يلتزمه فهو ضلال بعيد. Et donc même si l'innovateur ne reconnaît pas ce qu'implique son frère ou ses paroles, il est certes dans un égarement lointain. Il est certes dans un égarement lointain. نكتفي في هذا